Chapitre 4e. La reine Alanna. Ce douloureux incident retarda notablement le départ des hommes de Rabbit Creek. Il fallait avant tout calmer Tom Towners, qui, dans le désespoir que lui causait l'enlèvement de sa femme chérie, voulait simplement se tuer. Buffalo Bill dut le chapitrer longtemps pour le convaincre que le suicide est la plus grosse stupidité qu'un homme puisse commettre tant qu'il lui reste une lueur d'espoir. « Il n'est pas du tout démontré, » disait Bill d'une voix mal assurée, car lui-même à ce moment-là ne croyait pas ce qu'il disait, « que ce coquin de Hankins ait l'audace de toucher votre femme. Il se contentera probablement de la mettre en lieu sûr. Il doit craindre en effet que nous ne soyons sur ses talons. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous rassurer, Tom Towners. Montrez que vous êtes un homme, et même si vous ne pouviez sauver Lottie, vous pourrez du moins la venger. » Se venger, ce mot sillonna comme d'un trait de feu l'âme de Tom Towners. D'un geste rapide, il tendit la main à Buffalo Bill et lui promit de ne plus penser au suicide. Le plus pressé maintenant était de s'inquiéter du sort de la pauvre Alice. Déjà le matin apparaissait à l'Orient, et les nuées de la nuit qui s'étaient étendues sur le Ruby Creek commençaient à se lever. Buffalo Bill ordonna donc à ses gens de s'armer avec soin et jusqu'aux dents, ordre à l'exécution duquel il veilla lui-même. Puis il leur fournit à chacun un bon cheval, et lorsqu'il passa sa petite troupe en revue, il y avait 12 hommes dont il pouvait disposer, y compris le vieil Enfield qui marchait lui aussi. Buffalo Bill n'ignorait pas qu'il aurait à combattre des forces considérablement supérieures s'il réussissait à atteindre la bande de Jack Quarters. Sans compter qu'il aurait sans doute aussi affaire aux Indiens Cheyennes, mais il n'en était nullement ému. Chacun de ces 12 hommes, qu'il pouvait bien appeler siens, valait une petite armée. Chacun d'eux avait poussé dans les sauvages solitudes de l'Ouest, s'était éprouvé dans 100 combats, et se vouait avec enthousiasme à la délivrance d'Alice. À leur tête, Buffalo Bill quitta donc sa ferme sur le Ruby Creek, et les libérateurs d'Alice s'engagèrent au galop dans le sentier qui longe la rivière. Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin, lorsqu'une demi-heure environ après s'être éloignés de la ferme, un nouvel incident les arrêta et, comme on le verra tout à l'heure, les poussa dans une toute autre direction. Tout à coup, Buffalo Bill arrêta son cheval en faisant signe à ses gens d'en faire autant. Il leur montrait de son bras tendu un objet de couleur sombre et d'aspect étrange qui apparaissait au-dessus des vagues du Ruby Creek, gonflé par l'orage, vers son milieu, disparaissait un instant et reparaissait de nouveau. « Mes yeux me trompent fort, » dit-il, « si ce n'est pas la tête d'un Indien. » « On pourrait le prendre aussi pour une tête de phoque, » dit en riant Joe Bevins, le petit caporal. « S'il était possible de s'expliquer comment un phoque aurait nagé depuis les mers glaciales jusqu'au Ruby Creek. » « Aussi devons-nous croire, » reprit Buffalo Bill, « que nous avons affaire à un Indien qui cherche à traverser le Ruby Creek à la nage pour aborder de notre côté. Si c'est un Cheyenne, nous ferons bien de tenir nos carabines prêtes. » Car là où un de ces coquins se laisse voir, les autres ne sont généralement pas loin. Et celui-ci est peut-être en train d'opérer une reconnaissance. » Comme toujours, Buffalo Bill l'avait bien vu. Au bout de quelques minutes, les gens de Ruby Creek aperçurent les puissantes épaules d'un Indien, évidemment jeune, se soulever au-dessus des flots. Puis ils virent deux bras fermes et nerveux qui fendaient les vagues. Avec la rapidité et la souplesse d'un poisson, le Peau-Rouge s'approchait de plus en plus de la rive. « Je salue le grand chasseur de l'Arkansas, » cria-t-il d'une voix sonore, lorsqu'il eut émergé des eaux boueuses et jaunâtres du Ruby Creek, et que, d'un pas lent, il se fût avancé sans peur vers les Blancs. « Puisse le grand esprit le laisser encore longtemps sur les territoires de chasse terrestre, car Buffalo Bill est bon. « Tu me connais donc ? C'est très bien, alors dis-moi aussi ton nom. Je m'appelle Triple Flèche. « Et tu es un Ogallala ? Mon frère Blanc l'a dit. » « Et qui t'envoie à moi ?»« C'est Alanna qui m'envoie, et pour preuve, lis cette lettre qu'Alanna, la reine blanche des Ogallala, a écrite dans ce langage qui est familier à ton esprit. » Buffalo Bill lut avec attention l'écrit de la reine blanche des Ogallala. « Nous pouvons nous fier à ce jeune guerrier, » dit-il à ses compagnons, « et nous allons prendre le chemin qu'il nous indiquera. Sur ce chemin, Alanna me l'écrit, des nouvelles nous viendront de la retraite d'Alice. » « Eh bien, Mr. Enfield, qu'en pensez-vous ? La perspective d'arracher votre fille à Jack Quarters s'améliore. »« Mais comme Buffalo Bill, en disant cela, tournait les yeux vers Enfield, dont le cheval était proche du sien, il fut stupéfait du changement survenu chez le père d'Alice. Il n'y avait plus une goutte de sang dans les veines de son visage, ses sourcils épais s'étaient froncés, et de sa main valide, son bras gauche était en écharpe, il tourmentait nerveusement sa barbe. « Qu'avez-vous, Enfield ? » demanda Buffalo Bill. « N'êtes-vous pas d'avis comme moi que nous devons prendre en considération cet écrit d'Alana, la reine des Ogallala ?»« Je me soumets à votre avis absolument et sans réserve, » répondit Enfield d'un air sombre. « Eh bien, je décide que nous prendrons le chemin que le messager d'Alana va vous indiquer. »« Parle, Triple Flèche, de quel côté devons-nous nous diriger ?»« Éloignez-vous de la rivière toujours droit vers l'ouest, » répondit l'Indien. « Quand vous aurez marché pendant une heure, vous vous trouverez aux roches de la mort. »« Je les connais, » interrompit Buffalo Bill. « Là que mon frère Blanc et ses compagnons attendent, » continua Triple Flèche. « C'est là qu'on lui apprendra la direction prise par Jack Carters et sa bande. » À peine le jeune guerrier avait-il prononcé ces paroles qu'il tourna brusquement le dos et regagna en bondissant la rive du Ruby Creek. « Et maintenant, ne perdons pas de temps, » s'écria Buffalo Bill, « et prenons le chemin qu'il nous a montré. En avant, mettons nos chevaux au trot. » Une heure s'était écoulée lorsqu'ils virent s'élever au loin les roches de la mort, et en vérité, elles paraissaient mériter leur nom. Elles se dressaient, noires et spectrales, déchiquetées et crevassées, dans un sombre encadrement de pins et autres conifères. « Il y a un campement là-bas, » s'écria Buffalo Bill en indiquant les roches de la main, « et je me trompe fort si ce n'est pas un campement de Peau-Rouge. » « Je gage ma vieille tête, » dit Joe Bevins, « que ce sont des Cheyennes qui nous attendent là-bas. » À moins que ce ne soit la bande de Jack Carters qui nous tend une embuscade. « Je ne crains ni les uns ni les autres, » répondit Buffalo Bill fort tranquillement. « Et si nous rencontrions ces bandes, qu'en serait-il ? N'aurions-nous pas la meilleure occasion de leur arracher un vraiment beau butin ? Mais ce n'est pas, et je le regrette, Jack Carters et ces gens avec qui nous allons être en contact. Voilà Triple Flèche qui vient au-devant de nous. Il agite au-dessus de sa tête un rameau vert en signe de paix. » C'était en effet le jeune guerrier indien qui devait avoir passé par des chemins beaucoup plus courts que les cavaliers à la rencontre desquels il allait maintenant. Lorsqu'il fut arrivé auprès de Buffalo Bill et de sa troupe, il s'inclina avec cette grâce que les Indiens savent si merveilleusement déployer à l'occasion et dit « Plaise à mes frères blancs de me suivre. Alana, la reine blanche des Ogallala, les attend. » Cette annonce suscita une certaine émotion parmi les gens de Buffalo Bill. Et quoi, il allait leur être donné de voir cette créature mystérieuse, cette squaw blanche à qui les Ogallala obéissaient comme à leur reine, et qu'ils considéraient comme un être supraterrestre ? Nous sommes prêts à paraître devant Alana, déclara Buffalo Bill. Conduisez-nous, Triple Flèche. Le jeune Indien se mit en marche à côté du cheval rouge de Cody, et conduisit par des sentiers peu commodes les cavaliers au campement indien devant les roches de la mort. C'était ce qu'on appelle un camp volant que la tribu indienne avait installé là. Aux roches s'adossaient quelques tentes, et devant l'orifice d'une caverne qui s'ouvrait entre deux énormes blocs était étendue une grande peau d'ours. Sur cette peau d'ours était assise Alana. Buffalo Bill et ses compagnons avaient laissé leurs chevaux à la garde des Indiens qui les avaient conduits à l'écart. Ils s'avancèrent en la présence de la reine des Ogallala. Tous furent étonnés de la grande beauté de cette femme, qui n'était plus assurément dans la fleur de la jeunesse. Cette beauté mûre avait quelque chose de majestueux. Le visage témoignait d'une haute intelligence, mais l'œil avait une expression de douleur secrète. Alana portait un vêtement blanc, retenu autour des hanches par une ceinture en maille de métal. Un ornement d'or serpentait à travers l'épaisseur de ses cheveux d'un noir profond qui commençait à blanchir légèrement aux tempes. Il était difficile de dire au juste l'âge de cette femme. En tout cas, elle était dans la pleine force de la vie et paraissait avoir parfaitement conscience de sa dignité royale. Buffalo Bill s'inclina profondément devant elle, puis, appuyé sur sa carabine, il parla. « C'est pour moi une grande joie, Alana, reine des Ogallala, de te voir face à face. La renommée des grandes actions de ta vie extraordinaire et digne de mémoire est depuis longtemps parvenue jusqu'à moi, et ce fut toujours mon désir de te voir, toi, la grande femme. Et moi, cela me rafraîchit le cœur, comme la rosée rafraîchit le calice d'une fleur, dit à son tour Alana, d'une voix bien timbrée, dans ce langage si original et si imagé des Indiens, de pouvoir saluer le grand chasseur du Kansas, que ses amis aiment et que ses ennemis craignent, que nul œil humain n'a vu trembler dans le danger, mais qui exerce sa générosité dans le combat, de sorte qu'il n'est comparable qu'au lion, lequel connaît sa force et dédaigne souvent d'en user. Je salue aussi tes compagnons, je les connais presque tous par leur nom. Cependant, qui est cette barbe grise qui se cache là derrière les autres, comme s'il avait une raison pour ne pas montrer son visage ? À ce moment, les autres s'écartèrent, si bien qu'Enfield, qui avait en effet l'air de se cacher, et pour une raison quelconque de ne pas vouloir se montrer à la reine des Ogallala, se trouva en évidence de la tête aux pieds. Buffalo Bill remarqua chez Alana comme un léger tressaillement. Il ne lui échappa pas que ses traits s'assombrissaient d'un nuage. Mais cette femme avait évidemment la vertu de maîtriser ses sentiments et ses émotions et de ne pas laisser sur son visage le reflet de ce qui se passait dans son âme. « Si je ne me trompe, reprit-elle d'un air indifférent, cet homme est Mr. Enfield qui tient le grand magasin de l'agence indienne. » Enfield ne répondit rien et releva arrogamment la tête, mais le pli de son front au-dessus du nez se creusa plus profondément et ses yeux trahirent une agitation certaine. Se tournant vers le chasseur du Kansas, Alana reprit la parole. « Je sais, Buffalo Bill, pourquoi tu es en campagne avec tes gens. On a traité abominablement une innocente jeune fille. Jack Quarters a volé la fille de cet homme, Alice, qu'on appelle la Blanche Rose de la Prairie. « Ta bouche dit vrai, » répondit Buffalo Bill. « Tu nous vois plein de chagrin devant toi. Alice ne mérite pas le sort que le ciel lui a préparé. Certes, non. » Et si ce n'est pas le ciel, ce doit être l'enfer. Car ce n'est qu'avec l'enfer et ses démons que Jack Quarters peut faire alliance. Le messager que tu nous as envoyé nous a dit, et je vois aussi par ta lettre, que tu es peut-être en situation de nous mettre sur la vraie trace de Jack Quarters. S'il en est ainsi, ne tarde pas davantage à prononcer le mot libérateur. En ton sein bat un cœur noble, et tu ne voudras pas souffrir qu'un brigand enlève une jeune fille qui lui a plus d'une fois donné à comprendre qu'elle le hait et qu'elle ne veut avoir rien de commun avec lui. Sur la terre de l'Arkansas, on a jusqu'ici considéré comme un crime digne de la mort de prétendre imposer violemment à une créature humaine une volonté étrangère. Le voleur d'un cheval est puni de mort. Quel châtiment doit donc frapper cet ignoble voleur qui a osé enlever une délicate jeune fille ? Maintenant, je te le demande, Alana, reine des Ogallala, as-tu rencontré sur ton chemin Jack Quarters ? Peux-tu nous aider, ou du moins nous donner un avis ou un renseignement ? Écoute-moi, Buffalo Bill, répondit Alana. Je peux bien te dire que j'ai rencontré Jack Quarters. Comme j'établissais ici mon campement, à l'heure de la nuit où les voiles légers du matin commencent à se déployer déjà, Jack Quarters et ses gens sont venus à moi. La tempête se déchaînait effroyablement sur la prairie, que la pluie menaçait de changer en mer. Jack Quarters me demanda de le recevoir, de lui permettre de s'abriter, ainsi que la gracieuse jeune fille qu'il avait avec lui, dans cette caverne devant laquelle je suis assise. Mais je refusais nettement de me rendre à son désir, car je ne veux rien avoir à faire avec un misérable. Il s'est éloigné en lançant des imprécations, lui et ses gens, et il a emmené la jeune fille. « Tu sais aussi quel chemin il a pris, » insista Buffalo Bill. « Tu le sais, j'en suis sûr, et tu nous le diras. » « Oh, ne tarde pas davantage à le faire. Voici le malheureux père qui pleure la perte de sa fille. Voici les amis d'Alice qui ne la laisseront pour aucune considération au pouvoir de Jack Quarters. Et quoique nous fussions si fatigués que nous pouvons à peine nous tenir sur nos pieds, quoique nous n'eussions pas fermé l'œil de toute la nuit, nous n'avons pourtant pas voulu différer. Écoute-moi, » interrompit Alana. Maintenant que le soleil lui si bas, et que le grand esprit remplit la terre de l'éclat de sa lumière divine, tu pourras difficilement faire quelque chose contre Jack Quarters. Tu es un puissant chasseur, et tu sais qu'il y a des centaines de bêtes de proie qu'on ne peut chasser que la nuit. Jack Quarters est une de ces bêtes de proie. Le jour, il est assez vigilant pour ne pas se laisser approcher. Il attend que l'obscurité de la nuit se soit abattue sur la terre. Alors il se risque à sortir. Si tu es d'accord avec moi sur ce point, je te dévoilerai où Jack Quarters a caché sa victime. « Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu avances, grande reine, » répondit Buffalo Bill, « et je le suis d'autant plus dans ce cas que mes amis et moi, nous avons vraiment besoin de quelques détentes et d'un court sommeil, car tu sais, qui veut combattre doit pouvoir tenir les yeux ouverts. Apprends donc, dit Alana en se levant, que Jack Quarters a emmené Alice vers l'île des ours. Tu sais où elle est située. L'île des ours, je la connais suffisamment. Les eaux jaunes et limoneuses du Ruby Creek la baignent. Il faut pour y aller d'ici 3 bonnes heures de cheval. Quand les étoiles brilleront, tu partiras avec tes compagnons pour l'île des ours, décida Alana. Jusque-là, je vous souhaite la bienvenue comme à mes hôtes dans mon campement. Allons, Ogalala, fumez avec ces hommes le calumet de paix et donnez-leur ce que vous pouvez donner. Les paroles de la reine paraissaient être des ordres pour les Ogalala. De l'air le plus amical, ils entourèrent les hommes de Ruby Creek, les emmenèrent dans leur tente et les régalèrent de leur mieux. De la chair d'antilope rôtie et des gâteaux de maïs formaient le menu de ce festin donné, pour ainsi dire, en l'honneur de Buffalo Bill et de ses amis. Dans le courant de l'après-midi, Buffalo Bill eut plusieurs fois l'occasion de se trouver avec Alana et d'admirer l'esprit de cette femme qui avait à un si haut degré le don de savoir commander et de se faire obéir. Et à chaque fois, Buffalo Bill se posait cette question : d'où vient-elle ? Qu'était-elle avant de devenir reine des Ogalala ? Et qu'a-t-elle abandonné pour fuir dans le désert et vivre avec des gens d'une autre couleur qu'elle, avec des peaux rouges? Mais Alana ne manifesta à aucun moment la moindre envie de soulever le voile de son passé. Jamais elle n'y fit allusion, ni ne prononça un mot qui pût s'y rapporter. Les ténèbres vinrent. Les étoiles versèrent leur pâle lueur du haut du ciel. Le sol de la prairie avait évidemment et depuis longtemps absorbé les flots de pluie que la nuit précédente y avait répandus par torrents. Buffalo Bill et ses amis prirent cordialement congé d'Alana et des Ogalala. Seul Enfield se tint à l'écart. Il paraissait vouloir éviter de se trouver en face d'Alana, de lui tendre la main, de lui adresser la parole. Lorsque Buffalo Bill fut monté sur son cheval rouge, Alana s'approcha encore une fois de lui et demanda : quel chemin comptes-tu prendre, grand chasseur de Kansas, pour atteindre l'île des ours ? Il y a bien dans le voisinage un gué qui raccourcit, mais le mauvais temps de la nuit dernière doit l'avoir rendu impraticable. Il ne te reste donc à choisir que la route la plus longue, qui mène par un circuit en s'écartant de la rivière. Buffalo Bill accueillit bien ces indications et partagea sa manière de voir. Puis il lui serra une fois de plus la main, remercia les Ogalala du festin qu'ils avaient offert à lui et à ses compagnons, en preuve d'amitié, et donna le signal du départ. Pendant que la petite cavalcade s'éloignait, tous les cavaliers célébraient à l'envi les louanges d'Alana. Seul Enfield gardait un silence obstiné. « Et vous, Mr. Enfield ?» dit Buffalo Bill en se tournant vers lui. « N'avez-vous pas un mot d'éloge pour la reine des Ogalala ?»« Moi ?» dit Enfield d'une voix altérée. « Je regarde comme une folie de nous être commis avec cette squaw blanche. Dieu me damne. Je suis d'avis qu'elle s'entend avec Jack Quarters, et tant que je n'aurai pas trouvé ma fille dans l'île des ours, je ne croirai pas qu'elle y est cachée. » Buffalo Bill ne répondit rien, mais l'impression s'affermit en lui qu'Enfield devait nourrir une haine profonde pour Alana. Pour quelle raison le père d'Alice haïssait-il la reine des Ogalala ? À cette question, Buffalo Bill ne pouvait se donner de réponse. Il ne pouvait que se dire « il y a là un mystère ». Alana et Enfield, en quelles circonstances ont-ils bien pu se rencontrer une première fois dans la vie ? Et Buffalo Bill décida en lui-même que ce mystère, pour peu que ce fût possible, il arriverait à l'éclaircir. Alana regarda longtemps la petite troupe. Ses beaux sourcils mobiles se froncèrent, et son visage s'assombrit en remarquant qu'elle n'en voyait plus qu'un, celui qui chevauchait le dernier, et que ce dernier était Enfield. Son sein s'agita, d'une main elle se serra l'autre, comme pour apaiser les mouvements tumultueux de son cœur, et au moment où elle se retournait, elle vit Triple Flèche debout près d'elle, comme s'il savait qu'elle le cherchait. « J'ai à causer avec toi, » dit Alana. « Allons un peu à l'écart, et pendant que je te parlerai, puisses-tu avoir l'oreille fine de l'antilope, qui entend le chasseur de loin, la finesse du renard et la fidélité du cheval. » Triple Flèche s'inclina en silence et fit de la tête un signe d'assentiment. « Tu sais ce qui s'est passé ce soir, » reprit Alana après une courte pause. « Je n'ai pas dit à Buffalo Bill et au sien toute la vérité. Je ne le devais pas, car j'ai juré par le grand esprit que je ne leur livrerais pas la fleur de l'agence. Tu sais que pendant que l'effrayante tempête faisait rage comme si le grand esprit voulait déraciner ces rochers, Jack Corters et sa bande vinrent à nous. Ils me priaient de les recevoir, lui et la blanche fleur, pour les abriter de cette pluie torrentielle et cinglante. Mais je lui répondis qu'il n'y avait point de place pour lui au feu de mon campement. Alors c'est la mort de la blanche fleur, dit Jack Corters en me montrant la jeune fille qui tremblait la fièvre. Je lui répondis, la Vierge blanche peut rester. Je la prendrai sous ma protection. Elle réchauffera à mon feu ses vêtements trempés. Je lui ferai servir de quoi manger et boire, et elle trouvera un lit moelleux. Et me garantis-tu, reine des Ogalala, que demain je reverrai la blanche fleur? S'écria Jack Corters. Me promets-tu de ne pas la livrer à ceux qui me poursuivent, quand même ceux-ci la réclameraient violemment? Et je dis, je te promets et te jure par le grand esprit que je renverrai Alice avant la nuit prochaine. Alors il s'en alla et laissa la Vierge près de moi. Ah, Buffalo Bill ne se doutait pas que quelques pas seulement le séparaient de celle qu'il cherche. Il ne se doutait pas qu'il n'avait besoin que de soulever le rideau de cette tente pour voir Alice. J'ai bien regardé la tente, reine. Il n'aurait pas été si facile au grand chef de voir la blanche fleur, car tu m'avais ordonné, reine, de la lui cacher. J'ai dû le faire, dit Alana péniblement émue. Mais le grand esprit m'est témoin que j'aurais mille fois mieux aimé remettre la Vierge à Buffalo Bill plutôt qu'à Jack Corters, à qui il faut maintenant que je la renvoie. Je t'ai choisi, triple flèche, pour mener Alice en sûreté en bonne condition à Corters. Une ombre voila les traits accentués d'une physionomie où se lisaient le courage et la noblesse, et le jeune Ogalala fit entendre une protestation. Ainsi tu veux réellement la livrer à ce chien sanguinaire? Et ce sera moi qui porterai cette blanche colombe au putois qui sucera le sang de son corps jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de force même pour un battement d'aile. Oh, reine, tu es toujours si bonne. Celui qui mérite ta protection, tu le protèges. Pourquoi donc as-tu résolu la ruine de la Vierge blanche? Alana regardait le jeune guerrier en souriant. Triple flèche, parle-t-il ainsi? Demanda-t-elle. Seulement parce qu'il veut protéger une innocente? Ou bien la blanche fleur l'a-t-elle ensorcelée de sa douce haleine? Non, ne réponds pas à ma question, jeune guerrier. Je te fais grâce de la réponse. Il y a dans l'âme humaine des mystères qui ne gardent leur éclat et leur charme qu'autant qu'ils ne sont épiés et examinés par personne. Pourtant, tu as raison, triple flèche. Il serait horrible de livrer Alice à Jack Corters. J'ai promis, il est vrai, de lui rendre Alice, mais je t'ordonne à toi, triple flèche, de rester aux côtés de la Vierge, de ne pas perdre de vue la blanche fleur et de ne pas souffrir qu'il lui soit fait aucun tort. Tu sais ce que tu as à faire si Jack Corters l'offense ou s'il veut lui faire du mal. » Un éclair passa dans les yeux du jeune guerrier indien et il s'écria sur un ton d'enthousiasme « Oui, reine, oui, je sais ce que j'ai à faire. » Instinctivement, sa main alla caresser le tomahawk pendu à son côté par une lanière de cuir. « Tu te mettras en route sur le champ, » continua Alana, et tu chercheras à arriver avec Alice à l'île des ours le plus vite possible. Il faut que tu joignes Jack Corters avant que Buffalo Bill et ses gens arrivent là-bas. Mais cela ne sera possible que si tu mets les chevaux à l'eau. Ils traverseront bien la rivière à la nage. Tu sais où se trouve le gué. C'est là l'endroit où il est le plus facile de franchir le cours d'eau. Les chevaux nous porteront en sûreté à l'autre bord, dit Triple Flèche. Mais s'ils se noyaient sous nous, je prendrai la blanche fleur dans mes bras et j'atteindrai avec elle la rive à la nage. » Ainsi parle un guerrier qu'anime le grand esprit, s'écria Alana. Tu es certes une des gloires des Ogalala, triple flèche, et dans les territoires de chasse éternelle, tu auras en partage toute la splendeur qu'il est donnée aux héros seuls de contempler. Le jeune indien tomba à genoux et porta à ses lèvres le bord de la ceinture qui entourait la taille d'Alana. Et maintenant, va chercher Alice, fit la reine. Mais non, je vais moi-même la réveiller de son sommeil, apprête les chevaux pendant ce temps. Et sans attendre de réponse, Alana alla vivement à une tente qui se dressait à l'écart des autres, dans une anfractuosité de la roche de la mort. Cette tente était gardée par un gigantesque Ogalala, accroupi à l'entrée, le tomahawk au bras. Dort-elle? Demanda Alana à l'Indien, qui répondit, la blanche fleur dort. Alana fit un signe de tête. Le guerrier Ogalala se rangea de côté. Alors la reine repoussa le rideau de la tente. La lune, qui juste à ce moment perçait les amoncellements de nuages dans le ciel, épandit sous la tente sa pâle lueur d'argent, éclairant le corps gracieux et ravissant d'une vierge. Sur une molle peau d'ours, Alice était étendue. Elle dormait, les joues rosées, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les mains jointes sur son jeune sein. Elle dormait d'un sommeil calme, comme s'il savait être sous une protection puissante qui ne laisserait s'approcher d'elle rien de ce qui inspire la haine ou l'effroi. Longtemps la reine resta à genoux près de la dormeuse, contemplant cette jolie créature sans faire aucune tentative pour la réveiller. Une émotion profonde semblait s'être emparée d'Alana. Ses yeux brillaient, humides de larmes, et sous sa robe blanche son sein s'élevait et s'abaissait comme la vague d'une mer agitée. Elle étendit la main, et longuement elle se mit à caresser les traits soyeuses, les splendides boucles blondes de la jeune fille. Puis, comme si elle ne pouvait résister à un désir intime, elle se pencha et lui baisa tendrement le front et les yeux. Le contact de cette bouche chaude réveilla Alice, mais déjà la reine des Ogalala avait reparu, ses traits avaient repris leur calme habituel et leur expression de réserve hautaine. « Réveille-toi, Blanche Fleur, » dit-elle. « Lève-toi, il faut nous séparer. »« Nous séparer ?» répéta Alice Enfield en repoussant avec ses mains les boucles de sa blonde chevelure. « Ainsi vous me renvoyez à mon père, reine des Ogalala ?»« Non, mon enfant, je suis lié par ma parole. Je dois te rendre à Jack Quarters, car tu sais qu'il ne t'allait essayer avec moi qu'à cause du mauvais temps. » Alice se jeta aux pieds de la squaw blanche et avec un accent à déchirer le cœur s'écria « Plutôt que de me livrer aux mains de Jack Quarters, tuez-moi, Alana. Je vous en supplie, prenez votre couteau et plongez-le-moi dans la poitrine. » Je ne peux pas agir autrement que je ne fais. Jack Quarters a mon serment. Pourtant, ne crains rien, mon enfant. Je te donnerai un compagnon qui te protégera contre Jack Quarters. Ces paroles calmèrent Alice. Elle réprima ses larmes, puis elle saisit la main de la reine indienne et la porta à ses lèvres. « Recevez mes remerciements, reine, » dit-elle. « Vous m'avez amicalement reçu près de vous, et pendant que je reposais dans votre tente, il me semblait que j'avais la tête appuyée sur le sein de ma mère. Oh Dieu, ma mère !»« Pourquoi ne m'est-il pas donné de me serrer contre vous? Pourquoi faut-il que vous m'ayez été si tôt enlevée ?» Alana ferma les yeux. À ses longs cils avaient subitement perlé des larmes. « Nous n'allons pas nous attendrir mutuellement, mon enfant, » dit-elle en relevant Alice avec douceur. « Va maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Triple Flèche, un de mes meilleurs guerriers, t'attend dehors. Tu peux te confier à lui. » « Baisez encore une fois mon front, » pria Alice, « et je croirai, quand vos lèvres me toucheront, que c'est le baiser de ma mère. » Alana ne fit qu'effleurer de ses lèvres le front de la jeune fille, mais quand elle les retira, elle dut se faire une cruelle violence pour ne pas la serrer dans ses bras. Alors elle sortit de la tente avec Alice, qu'elle conduisit vers les petits chevaux indiens harnachés et gardés par Triple Flèche. « Adieu, grande reine !» s'écria Alice, déjà assise sur sa selle. « Puisse le grand esprit vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il me semble que vous ne pourriez pas m'envoyer à ma perte, et que votre main protectrice reposera sur ma tête même quand je serai loin de vous. » Alana regarda encore une fois de ses grands yeux mouillés de larmes la délicieuse jeune fille, puis elle fit un signe à Triple Flèche, et aussitôt les chevaux se mirent en mouvement. Ils s'éloignèrent, comme emportés par le vent, dans la direction de Ruby Creek. Longtemps encore Alana se tint immobile, les mains pressées contre son cœur, regardant disparaître la blanche fleur de la prairie. Le vent du soir jouait discrètement avec les plis de sa robe blanche. Et la lune posait son lumineux voile d'argent sur le visage marmorin de la belle reine des Ogalala.